News 6 sud-coréenne annonce que le 5 courant a été mis au public un nouveau document contenant une liste des femmes coréennes emmenées à la ville de Jinhua de la province de Daejeon, Chine, comme esclaves sexuelles de l'armée japonaise lors de la guerre du Pacifique. Le document, daté du mois d'avril 1944, enregistre les noms, âges et pays natal d'une centaine de coréennes âgées de plus de 20 ou de 30 ans. Leur adresse est la même que celle des maisons de consolatrices au service de l'armée nippone. À l'époque, il y avait dans cette ville 10 maisons du genre. Par ailleurs, et le même jour, un enregistrement vidéo sur des victimes de l'esclavage sexuel de l'armée japonaise a été mis au public aussi depuis les archives nationales des États-Unis, apprend-on de la radio sud-coréenne CBS. Ce vidéo de 18 secondes, produit en septembre 1944, montre des coréennes qui étaient esclaves sexuelles des troupes japonaises d'occupation de la région méridionale de la Chine. Ces femmes-là sont tout à fait identiques à des photos des victimes déjà révélées, dit-on.